Il est 18h45, c'est l'heure de votre émission préférée, Éducassis. Ne parvenez pas à élever. Non mais oh, vous me laissez terminer, oui. Non mais c'est incroyable ça. Bon, il est 18h45, c'est l'heure de votre émission préférée. Ne parvenez pas à élever convenablement. Non mais merde. Bon ok, j'en ai ras le cul, filez-moi mon cachet et je me tire. Mais enfin Robert, t'es... Non, y'a pas de Robert. Bah Antoine alors. Non, y'en a pas non plus, démerdez-vous, salut. Mais bon, bah envoyez la bande sonore. Si vous ne parvenez pas à élever convenablement vos enfants. Si vous avez tout essayé, éducateur, dresseur canin ou bien même super nanny, et que toutes vos tentatives se sont soldées par un échec, notre programme spécial de redressement infantile est fait pour vous. Des méthodes radicales, rapides et peu coûteuses. Si votre enfant commet une faute, et peu importe laquelle, réprimandez-le en le punissant afin de lui faire comprendre son geste. Oh, c'est pas bien ce que t'as fait. Si celui-ci persiste, grondez-le, et si cela ne suffit pas, insultez-le. Petit con. Étant donné que l'enfant se rebelle fréquemment lorsqu'on l'insulte, non, maman, je t'en supplie. Quelques précautions semblent indispensables. Donnez-lui de grosses claques dans la figure afin d'apaiser sa colère. Si votre enfant crie et que cela vous agace, le lancer dans le mur semble le plus approprié. De plus, votre épouse n'y verra que du feu. Votre mur sera comme neuf avec le nouvel enduit révolutionnaire aux extraits naturels de crottin de cheval biologique. Une exclusivité Poulette Market. Le pigeon gagnant. Si vous êtes miné par la culpabilité après avoir infligé ce traitement à votre enfant, l'autoflagellation est fortement conseillée. Elle vous permettra de vous frapper vous-même, tout en vous rappelant que vous n'avez pas assez de couilles pour vous en prendre à un homme. C'était Éducatis, présenté par Philippe Quéquette, sur StupFM bien sûr.